Fer est liberté. Le fer est l'atome le plus stable de tout l'univers. Au bout, tout sera lui. Cependant, nous sommes infiniment plus près du début que de la fin de cet univers. Ami vie. J'ai 38 ans et j'en suis à la moitié de ma vie. Qu'est-ce qu'est le bien? Qu'est-ce qu'est le mal? J'ai pu le définir après de longues études scientifiques dont l'objet final fut la sûreté de fonctionnement. Mon métier était de mettre en place des outils qui aident les hommes à prendre les bonnes décisions. Il en existe de nombreux, dans des domaines très variés, comme les statistiques, les méthodes, l'organisation, etc. Pour nous, les humains, le risque ultime est la mort, qui est souvent la conséquence d'une mauvaise décision. Donc, j'ai trouvé la finalité commune aux outils, la vie. Or, le seul sens de la vie est de générer de la vie. C'est du bon sens. J'ai pu ainsi définir scientifiquement ce qu'est le bon, autrement dit le bien. Voilà sa définition parfaite, qui est le résultat de 15 ans de recherche. Le bien est toute décision qui va dans le sens de la maximisation de l'espérance de vie du génome humain, à quoi il faut ajouter trois vérités. L'homme ne peut pas vivre sans la nature. Une seconde de vie humaine a une valeur inestimable, et une seconde de vie humaine a la même valeur, quelle qu'en soit sa localisation. Cette définition est exacte, programmable, mais un peu compliquée à utiliser au quotidien. Elle peut être simplifiée en le bien est la somme de toutes les décisions qui augmentent la vie de la patrie humaine. Avec patrie, venant du latin pater et voulant dire ayant les mêmes pères, scientifiquement exact pour l'humanité, avec humain, venant du latin humus, désignant la terre qui est le support de la vie. Mais on peut encore simplifier cette définition. Le bien a pour but que l'humanité connaisse l'infini. En super résumé, le bien égale la vie. Moi, l'humaniste, me suis aperçu immédiatement que cette définition dépassait le cadre de toutes les thèses. Elle fonctionne partout, sur tout, et surpasse tous les domaines, autrement dit, les biens. Ce qui suit n'est pas le récit de mes actes de bravoure, mais l'application d'une idéologie, faire le bien. Attention, également, cette autobiographie peut être lue comme un roman d'aventure, cependant, il faut garder en tête que tout est vrai. Les premières personnes qui ont lu le texte m'ont toutes dit qu'il était bon et que mon histoire ferait un super film. Ils avaient néanmoins une critique commune. Le début était un peu chiant. C'est pourquoi un de ses premiers lecteurs me proposa de faire comme au cinéma. Mettre au début une grosse scène d'action pour accrocher l'auditeur, puis faire un flashback sur mes 30 premières années. J'y ai réfléchi et j'avais le choix pour cette première scène choc. Par exemple, au niveau social, j'aurais pu faire un focus sur les traits d'union entre injustice, légalité et vengeance dans la cueillette des oranges. Pour ceux qui aiment l'aventure, j'aurais pu prendre une des anecdotes traumatisantes dans la continuité de 13 000 km. Pour ceux qui préfèrent l'extraordinaire, j'aurais pu sélectionner le fait le plus exotique quand on s'installe en ermite dans les fins fonds de la jungle africaine. Pour les shooter à l'adrénaline, j'aurais pu raconter ma course-poursuite avec les militaires qui voulaient m'attraper. Il y en a même pour ceux qui veulent se faire peur. Essayer de décrire un des aspects du cauchemar que constitue l'incarcération dans une des pires cellules du monde. Une fois sorti, on en est à peine à la moitié du livre. Et pendant les 2 ans qui suivirent, j'aurais pu décrire une des nombreuses fois où j'ai flirté avec la mort. Cette dernière période est ici sommairement décrite, car une lectrice m'a conseillé de ne pas spoiler la fin et de garder le suspense de cette dernière moitié du livre, qui est mortelle. Je ne compte pas vous prendre pour des cons, et je n'écrirai pas cette première scène. Je fais le pari d'avoir des auditeurs suffisamment intelligents pour comprendre que si j'avais pris autant de risques depuis le début, je serais mort, selon toute probabilité. Cependant, si je n'explique pas le pourquoi j'ai été amené à prendre autant de risques ces dernières années, il y a de fortes chances que vous me preniez pour un fou. Donc, je vous préviens, rien d'extraordinaire dans les 30 premières minutes, mais elles sont indispensables. Alors accrochez-vous, je vous souhaite une bonne écoute et bon courage.